nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le monde des truites est inséparable de celui des anguilles, et les champs sont pleins de paysans, d'oiseaux et de fleurs ensemble. Ceux qui travaillent ne gênent pas les autres, simplement heureux d'être au monde. La Crillonne est poissonneuse. Elle enrichit les pêcheurs. Pour certains, la rivière, la Crillonne, c'est un peu comme Dieu pour les dévots. Mais si un jour, le poisson, les poissons, mouraient, de quoi ? Du choléra ? Nullement. Tout bonnement, si l'on peut dire, à cause de l'élimination des déchets qui allaient se faire désormais dans la rivière, directement. Une décision prise par la direction de l'usine qui vient de s'installer et qui pollue et qui bouleverse la vie des habitants de Saint-Laurent. Des habitants qui se révolteront. Le soleil des eaux, spectacle pour une toile de pêcheurs, œuvre du poète René Char, dont l'action se situe dans le comtat vénessin, paru aux éditions Gallimard en 1951, Le soleil des eaux, donc, par la Société des comédiens français, première diffusion sur France Culture le 24 juillet 1983. France Culture et la Comédie française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Georges Gravier, Le soleil des eaux, de René Char. Les interprètes seront Georges Descrières, François Chaumette, Bernard Deran, Catherine Samy, Michel Aumont, Michel Duchaussois, Jacques Destoupe, Paul Noël, Simon Haine, François Beaulieu, Catherine Yégel, Nicolas Silberg, Catherine Salvia, Dominique Rosan, Gérard Giroudon, Yves Gasque, Richard Fontana, José Maria Flotats, Roland Bertin, Marco Béard, Jean-Paul Moulineau, Jean-François Rémy, Louis Arbessier, Georges Audoubert, Georges Riquier, Nathalie Nerval, Marceline Collard, Joël Demarty, Jean-Philippe Puy-Martin, Marcel Bozonnet, Nathalie Bécu, Martin Provost, Jean Pennec, Laurent Lévy, François Boursier, Pierre-Louis Saussereau, Philippe Sazra, Christian Vizine, Éric Casazian, Jean-Jacques Nervet. Octobre 1946, pointe de l'aube, colline boisée. Je suis chasseur de mon métier et un peu paysan. Mon village, Saint-Laurent, est un vieux village. Il existait déjà du temps des croisades. Ses habitants étaient tous des pêcheurs. Les papes d'Avignon leur avaient donné la rivière et le droit de s'administrer en communauté. Ils échappaient de la sorte à l'autorité souvent arbitraire des seigneurs. Les conflits qui surgirent furent toujours aplanis en leur faveur, ce qui ne les rendit pas orgueilleux pour autant. Saint-Laurent conserva par la suite son organisation démocratique. Jamais ses droits ne furent contestés. Il faut croire plutôt qu'à travers tous les événements de l'histoire, Saint-Laurent fut simplement oublié. Au début de ce siècle, pour la première fois, les Laurentins eurent à affronter un adversaire d'autant plus redoutable qu'il venait à son heure. Malgré la mesure autrement importante aujourd'hui, de meilleures causes et l'aventure tourmentée d'autres amours exceptionnels, je serais bien content que l'histoire de Francis et de Solange vous plaise. Je suis leur fils. Dans le comtat venaissin, le mont de la Fontaine de Vaucluse, où la Crillonne prend sa source. Paysage de rochers aigus, de pierres éboulées, d'arbustes rabougris, dont les lignes émaciées et le caractère immuable s'opposent à la luxuriance des eaux qui échappent en bouillonnant sur la pente de la montagne. Des oiseaux de proie tournent, désœuvrés, dans l'altitude, au-dessus du gouffre qui les rive à son miroir sombre. Au loin, la plaine verdoyante, le clocher d'une église romane émergeant de la chaleur, le bourg de Saint-Laurent. La Crillonne s'étire et pousse à travers champs et villages son cours assagi au reflet de nuées pulvérisées. Au pied de la montagne, couvrant un court morceau de la rivière, une fabrique de construction récente se dépouille à regret de son échafaudage. Laborieuses et lestes, parmi les caprices du courant, des barques de pêcheurs aux longues perches vont et viennent. Tous les éléments, encore en sommeil, de notre drame sont là. Le soleil vient de se lever. La Crillonne. Auguste et Francis sont dans leur barque. Auguste manie la perche, Francis lance l'épervier. À quelque distance, en aval, l'ancien et le dégoût font de même. Francis ramène le filet où se débattent plusieurs truites parmi des paquets d'algues qu'il rejette en faisant la moue. Apparaît à un tournant de la rivière pénible le cantonnier des eaux. De sa faux à long manche, il s'emploie à faucher les herbes aquatiques. Cuicui, son jeune fils, dirige le bateau. Mais Clou et Célestin croisent le groupe et disparaissent dans une anse de roseaux. Francis fait signe à Pénible d'arrêter. Auguste lance l'épervier, mais ne ramène aucun poisson. Tu les as fait toutes détaler. Ne coupe pas les herbes trop ras, il n'y a plus de poils tout à l'heure au fond de la Crillonne. Le poisson ne sait plus où se cacher. Je le mesure pas. Cantonnier des eaux, tu es pire que le cantonnier de la commune, avec sa manie d'approprier ce qui est propre. Moi, tu me compares à ce genre foutre qui ne sait pas tenir sa pelle, qui se fait éclater le pied quand il casse un caillou. Pénible, donne un coup de fouet aux rives, plutôt. Prouve qu'il n'y a pas assez de pêcheurs à la ligne qui traînent le dimanche. On ne peut plus pisser du bateau. Auguste ! Oh ! Je vois une grosse anguille. Qu'est-ce que je fais ? Pique-la, elle sera pour le drac. On dirait le diable. Mais qu'est-ce que tu regardes, Cui-Cui ? Les jolies truites, elles marchent vite. Le bureau du conservateur des eaux et forêts. Les gens de cette région ont un penchant marqué pour l'oisiveté. Il ne serait pas juste de dire qu'ils sont paresseux. Ils n'ont pas de gros besoins. Le poisson les trouve à domicile. Les légumes leur poussent en toute saison dans les jambes. Voyons, quand la mettrez-vous en marche ? Dans une semaine. Je vous demanderai, monsieur l'ingénieur, de veiller à ce que votre société ne déboise pas, sans m'en référer, les terrains attenant à votre fabrique. Les incendies de forêt sont malheureusement fréquents Et je dois prendre grand soin de l'économie de nos arbres. Mon directeur m'a chargé de vous assurer, monsieur le conservateur, de sa vigilance et de sa sympathie. Veuillez l'en remercier. Nous ne ferons naturellement rien qui puisse déplaire à l'administration des eaux et forêts. Votre compétence sera souvent consultée et toujours suivie. La force hydraulique est magnifique. Les pouvoirs de la nature sont à notre discrétion. Cet effort vous fait honneur, ainsi qu'à votre industrie. C'est la richesse assurée pour la contrée. J'espère que notre présence pacifique n'altérera pas l'humeur des pêcheurs de Saint-Laurent. Est-il vrai qu'ils jouissent encore des privilèges hérités des papes d'Avignon ? Ce qui commandait l'octroi de ces privilèges est mort. Les habitudes ont survécu. Toutes les horloges de France ne sauraient sonner à la même heure. Votre industrie est bien autrement importante que l'humeur de ces simples, qui ne sont tout de même pas un état dans l'état. Des songes creux, bien connus des chiens. Bah. D'ailleurs, mon arbitrage et mon estime sont là pour tout aplanir. Le conservateur et l'ingénieur passent devant un aquarium où plusieurs poissons apathiques bâillent contre le verre. Les charmantes petites bêtes. Pétrarque, dit-on, en offrit de semblables à l'or. Ma jeune fille, qui vient de passer brillamment ses examens, appelle ses carpillons mon jeu de cartes animé. Joli, n'est-ce pas ? Le conservateur plonge la main dans le bocal. L'eau souillée se trouble. Les poissons bougent à peine. Mes respects, monsieur le conservateur. Il faudra que j'invite ce jeune homme à venir un soir à la maison. Pourquoi pas ? C'est un parti convenable pour Hermance. La rivière aux abords de Saint-Laurent. Bateau d'Auguste et de Francis, de l'Ancien et de Dégout. Tu devras enfiler ton gilet. Ta mère me répétait la même chose. Jusqu'au jour où ce maudit choléra l'a emporté. Et ta pauvre sœur Julie... N'y pense pas, père. Tu étais alors grassouillet et rond comme un œuf. Mais tonnerre que tu étais vif. Un Martin pêcheur. Nous n'avons pas eu de chance. Tu ne méritais pas tout ce deuil. Et passe-moi ton tabac. Un pêcheur à la ligne... devient visible sur la berge. C'est un touriste. Oh, pas encore. Vous n'avez pas choisi un bon coin pour lancer votre mouche. Je connais pas les endroits, je déroule un peu au hasard. Vous habitez Saint-Laurent ? Non, je travaille à la fabrique. Catilinaire, le contremaître. Et vous devriez essayer plutôt au-dessous du partage des eaux. Là, à cause de l'Oriente, vous avez des chances. Ah, merci, mais je voudrais pas vous gêner. Pensez-vous, la rivière est à tout le monde. Au retour, si vous n'avez rien pris... Attrapez cette truite. Vous êtes bien chic. Vous avez une belle rivière. Je pense bien. D'une, vous n'en aurez peut-être pas de trop. Non. Nous ne sommes à la maison que ma fille et moi. C'est bien suffisant. Votre dame est en voyage ? Je suis veuf. Ah. Allons, Francis, il est tard. Au plaisir de vous revoir. Moi de même. Eh bien, merci. Le débarcadère. Femmes, jeunes filles, enfants s'affairent autour des pêcheurs. Tous se retrouvent auprès d'une coquette carriole attelée d'un fin cheval. C'est là que s'effectue la pesée et la vente du poisson. Un gros homme au teint fleuri surveille les gestes de sa jeune servante qui tient les balances. Auguste, Francis, l'ancien dégoût sont là. Le poissonnier, marché conclu, fait un au revoir cordial de la main, grimpe sur le siège de sa voiture, installe à son côté sa servante, fait claquer son fouet. L'attelage démarre allègrement. Une route, 6 heures de l'après-midi. L'Orvet, 100 de 89, deux jeunes pêcheurs et un charretier, reconnaissable à son long fouet dont le manche lui bat les côtes, s'empressent auprès d'un quartier de pierre qui barre la chaussée. Un fardier, à demi écroulé, les brancards en l'air, une roue brisée, atteste de l'accident. Le cheval, encore harnaché, est attaché à un arbre et broute. Les cinq hommes font des efforts désordonnés pour remuer la pierre, en vain. Au loin, des enfants poussent une brouette et font le ramassage du crottin. Oh, pas par là, tu vois bien que c'est impossible. Et si je me mettais ici? Je navire à tombeau. Pour s'en aller de là-dessous? Bah, tire-toi. Ils aperçoivent Apollon qui vient vers eux. C'est un homme magnifique, d'une taille peu commune, lutteur et leveur d'haltères dans les foires. Apollon, nom de Dieu, essayons encore une fois. Horis! Horis! Oh, 380 kilos. Vous vous débrouillez pas mal pour des amateurs. Ma hernie, elle, en a pris un bon coup. Où c'est que tu les ardais, Apollon ? Je les arde, mon pauvre. Tu t'es pas vu coller à ta pierre ? De loin, si j'avais compris, j'aurais marché plus vite. Avec celui-là, la pesée est vite faite. Pfft. Soif, vous autres. Viens, charretier, c'est toi qui fais trinquer. Moi, je passe par là. Le groupe des hommes s'éloigne. Apollon demeure devant la pierre, pensif. Enfin, il va vers elle et, à plusieurs reprises, la roule en se jouant. La carriole du marchand de poissons passe sur la route en soulevant un nuage de poussière. Le cheval du fardier continue à brouter, harcelé par les mouches. Saint-Laurent, le café de Mac au bord de la Grillonne. Plein air. Des tables, des bancs, un comptoir en bois. Pêcheurs, debout et assis. Farfelu est seul à une table, ses claquettes posées près de lui. C'est un être simple dont le métier consiste, la nuit, à faire taire les crapauds bruyants. La communauté le paie pour cet emploi extravagant. Odile, la fille de Mac, s'approche. Farfelu lui fait, par geste, comprendre qu'il n'a pas d'argent pour payer sa consommation. Oh, ça ne fait rien. Bois vite ton café, mon père n'a pas vu que je te servais. À une table, la Rose lit le journal local à un vieux pêcheur. D'autres font la manille. Mac, le patron, les sert. Assise à l'écart, Marie-Thérèse brode, absorbée, un apron. C'est la seule femme présente avec Odile. La porte en roseau s'ouvre. Entre Francis, Auguste et l'ancien. Francis regarde Marie-Thérèse, lui dit quelques mots furtifs, tandis qu'Auguste et l'ancien vont s'asseoir à une table près de la rivière. La population de Saint-Laurent est avisée que dès à présent, la fabrique des Mustangs embauche du personnel ouvrier, hommes et femmes. Salaire convenable et régulier se présentait sans retard au bureau de l'usine. Francis, la régie est venue ce matin. Qu'est-ce que tu crois que je leur ai dit ? Je leur ai dit, dans ma cave, en fait d'alcool, vous trouverez l'eau de la crayonne quand elle est grosse. Tu ne fais pas d'affaires avec eux ? N'y tiens pas. Quand j'avais 9 ans, j'ai été mordu par un chien qui avait le ventre plein de planches et de laine de mouton. Je suis pas mort. C'est qu'il t'a pas bavé dessus, sans s'en étouffer entre deux matelas comme le frère enragé de l'Orvet. C'est que ma mère était une sainte femme. Avec toi, rien à craindre. Tu es de la race de ceux qui meurent jeunes à 80 ans. À toi, Auguste. Le Drac, Francine et un maquignon entrent et vont s'asseoir à l'écart. Trois fines, sans faux col. Le gros, c'est un marchand de juments de Mérindol. Drac, ça voit sa poufiasse. Tu étais venu tout à l'heure, là. Tu aurais vu là un couple qui a passé l'après-midi à se chauffer dans la figure et à se regarder dans le vide des yeux. Deux ahuris. Ils devaient avoir la bouche plus usée que cette tasse de café quand ils sont partis. La fille, elle t'aurait plu. Tu me dis toujours ça après. Je la connais ? La première fois que je la vois, ce sont des étrangers. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie ? Regarde mon képi. Tu es militaire ? Je suis ramoneur. Après la suie des cheminées, c'est bon, hein, de s'enfermer dans un petit vin blanc. T'en as de beaux souliers ? On dirait un meuble. Ils sont en veau. Entre l'Orvet, les deux jeunes pêcheurs et le charretier, qui s'accoudent au comptoir. On pêche ensemble demain, Francis ? Si tu veux. Et pourvu que le Mistral ne se lève pas encore. Il a l'air d'avoir tombé. Ah, tu te serais cru hier en train de pêcher la morue au baléar. Les vagues épaisses, comme des mottes de charrue. Où tu pêchais, Dégout ? Aux grandes terres, je suis tombé à l'eau. Mac, un robe. C'est pour me protéger. Dégout, apporte-moi demain deux truites que j'ai du monde à table. De 5 hectos chaque. Eh oui. Ouais. Marie-Thérèse est toujours sage. Elle a de jolies couleurs. Encore qu'elle dorme dans une roulotte. Je viens de signer chez le notaire. J'ai acheté le prix de Boniface. Il est d'un bon rapport, ce prêt. Tu continueras comme Boniface à le louer à l'heure de midi au roulier qui s'arrête et détale à l'auberge ? Justement. Mais voici mon tarif. 5 sous pour les chevaux à la queue courte, 8 sous pour les chevaux à la queue longue. Quelle différence ? Ah, faut être honnête. Ceux à la queue longue mangent forcément davantage. Les mouches qui les piquent ne leur font pas lever et secouer constamment la tête. Comme c'est le cas pour ceux qui ont la queue courte. Et tsing, et tsing, et tsing. On n'aurait pas songé à ça. Ah. C'est d'une honnêteté un peu bêtasse. Oh, oh, oh. Voici Apollon. Il se dirige vers sa femme. Sacré Apollon, hein. Et pour le travail qu'il consumera, celui-là. Il est bon. Les affaires ne doivent pas aller fort pour eux en ce moment. Tu te fais des ardoises ? Non, mais sa femme brode sans arrêt des napperons. Je vais me coucher. Bonsoir, Mac. Bonne nuit, Francis. Je sors avec toi. On poussera aux aurores jusqu'à l'île du Capitaine. À demain, Dégout. Je ne rentre pas chez moi. À demain, à la pointe du jour. Et amuse-toi bien. Prends un à-compte sur le pèlerinage de dimanche. Tu te trompes. Ta ta ta ta ta ta ta. Un miroir à pute, ce bourre. Dimanche de juin. Pèlerinage de Saint-Voutil. L'ermitage du Saint est sur une éminence solitaire dans les monts de Vaucluse. Les pèlerins qui ont marché dans des sentiers arides cherchent l'ombre, improvisent des campements. Des feux prudents s'allument. Les plus affamés se mettent à cuisiner. Un curé prêcheur sort de la petite église et contemple les arrivants. Un papillon se pose sur une pierre au soleil. Une guêpe l'enchasse. Bienvenue à tous, fidèles pèlerins. Venez, venez, venez. Entrez. C'est l'heure du sermon. Que ceux qui préfèrent prier le bon Dieu dehors ne mettent pas le feu à la grille. Bande de fainéants. Chaque année, c'est pire. Ne partez pas. Bonjour. Ai-je perdu ou trouvé quelque chose ? Écoutez, il n'y a que 2 personnes d'accordées sur cette montagne, vous et moi. Et vous voudriez si vite les séparer ? Vous êtes pêcheur au moins ? Vous êtes comme l'eau qui court, vous ne doutez de rien ? Je vous observe depuis un long moment. En vous voyant vous lever, je me suis senti comme pris en faute. Je ne me savais pas à ce point funeste. Asseyons-nous, voulez-vous ? Je ne connais pas l'histoire du saint et je veux l'entendre. Non, laissez-moi vous la raconter, je vous verrai, je ne mettrai aucun détail. Je veux bien, après tout. Comment voulez-vous que ce brave saint se conduise ? Oh, pas comme un saint, bien sûr. Ni comme un galant. Je regrette, il était les deux. Mettons-nous ici. Vous, là. Dites. C'était dans sa jeunesse un homme, peut-être comme celui-ci, mais coureur de filles. Ce n'était pas facile alors de se choisir une reine. Il n'y en avait qu'une, la reine de France. Et elle était prise. Aussi, ça ne pouvait que mal finir. Saint comment ? Francis est mon nom, si vous aimez plaisanter. Bon, continuez sérieusement. Un jour, Voutil entendit des voix qui lui commandaient de se retirer dans la montagne et de faire pénitence. Comme il était généreux, il distribua ses biens et vécut ici, dans le languir de sa reine. Avec les pierres qui ne manquaient pas, il construisit sa maison et son étable. En compagnie de deux vaches, il défricha un petit champ et y trouva sa nourriture. Personne ne venait le voir ? Pensez-vous, il faisait pour de bon pénitence. Mais les choses se gâtèrent. Un loup, il y en avait alors dans le pays, tua une de ses vaches. Soutenu par le courage des anges, Voutil réduisit le loup et l'attela à sa charrue côte à côte avec la vache qui lui restait. Depuis des siècles, ils labourent sans connaître de repos. Leur champ est l'imagination de chacun, la vôtre, la mienne. Je ne serais pas surprise que Voutil fût un de vos parents. Je voudrais bien. Vous me connaîtriez mieux comme cela. Vous auriez tout de suite confiance. C'est drôle. Les saints, on ne les rencontre jamais de leur vivant. Une sauterelle grimpe le long de la jambe de Solange et avance doucement vers la forme de sa cuisse. Ne la chassez pas. Vous voyez bien qu'elle est perdue et qu'elle est heureuse. Solange tend une fleur des champs à la sauterelle qui s'y agrippe. Elle la lance parmi les pierres. Vous habitez loin d'ici ? Mon père est contremaître à la fabrique. Dites, vous ne voulez pas que nous fassions quelques pas ? Solange accepte. Francis lui prend le bras. Il s'éloigne en direction de la forêt. Un bois de cèdre dans un défilé rocheux. Solange paraît dormir, tout son corps étendu à même la terre. La main de Francis caresse ses cheveux, en retire délicatement une tige épineuse. La main de Solange saisit celle de Francis. Ses doigts se glissent contre la paume qu'elle porte à ses lèvres. Il n'y avait que toi. Francis, dans sa barque, descend l'une des étroites branches de la Crillonne qui traverse Saint-Laurent. Pauvre quartier où logent les pêcheurs les moins favorisés, les ouvriers des filatures, d'anciens nomades devenus chiffonniers, des catins. Là gîte le drac. Les pauvres n'ont rien à cacher. Une femme se prépare à trancher la tête d'un canard sous les yeux intéressés de sa petite fille qui croque un quignon de pain et un morceau de sucre. Giclement du sang et battement des ailes. Le drac amorce des lignes de fond pour les anguilles. Il lève la tête à la vue de Francis, qui accoste. Si tu viens pour les asticots, à l'abattoir, c'est jour de fermeture. À moins que tu les grattes dans le couloir des pipis. Je viens chez toi. Qu'est-ce que tu me veux ? J'ai ma vieille malade. Tu as touché ton argent ? Pas complètement. C'est pour cela que tu es venu ? Chaque fois que je pêche pour toi, il y a du tirage. Je suis pas payé tout de suite. L'anguille, c'est guère estimé. Pourquoi ne pêches-tu que des anguilles ? C'est mon affaire. T'es moins cave que vos gonzesses de truites. Encore tes boniments tordus. Pour ce qui t'amène, tu laisseras un peu ton oseille à ma caisse d'épargne. Les poulettes, ça coûte cher, pas vrai ? Elle fait bien l'ambiche, ta Solange ? T'es ignoble. Tu voudrais peut-être que je bouscule ma mère ? Les sous que j'ai, elle roupille dessus. Alors ? Tu repasseras ? Drac, tu es une drôle de vermine. Si ça pouvait la faire mourir plus vite, ta mère, je montrais là-haut retourner sa paillasse. Parce qu'avec une poisse comme toi, le plus tôt pour elle, c'est le mieux. Quand même, pour la papouiller, il doit falloir que tu l'influences drôlement, ta nénesse. Ce que j'ai envie de te foutre sur la gueule ! Pour Pendant que tu dégoisses dans la dentelle, moi je me les farcis toutes. Pas vrai, Francine? Anguille de fumier! Ce n'est pas un mauvais gars, mais quand il envoie la main, il envoie le porte-monnaie avec. Et moi, j'aime pas les troufignards en forme de tirelire. Je veux pas que ma mère meure. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas ton argent. La femme au canard secoue là-bas, au-dessus de la crayonne, son tablier plein de duvet. Envolé de douceur blanche. Saint-Laurent, fin d'après-midi. Une confortable demeure. Là habite Madame Veuve Descartes, rentière de 60 ans. Francis et Solange se trouvent devant la grille d'entrée du parc. Je ne te demande pas, Francis, pourquoi tu m'as amené jusqu'ici. Après ce que tu m'as raconté sur cette dame, je suppose... Oui, c'est ce que tu crois, mais je te jure qu'il fallait aussi que je lui parle. Ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain, ta visite ? C'est en marchant à ton côté que le sentiment que tu me prêtes m'est venu. Nous ne regretterons pas d'avoir eu recours à cette vieille dame pour davantage de confort. Bonsoir, monsieur Francis. Bonsoir, mademoiselle. Madame. Bonsoir. Veuillez, je vous prie, entrer. Par ici. Madame Descartes, j'ai une somme d'argent à vous remettre, le loyer de l'ancien. Voulez-vous vérifier? Oui. Et maintenant, vous allez me faire le plaisir d'accepter tous deux une petite liqueur. Je trouve mademoiselle charmante. Oh, mon amie ne boit pas, et moi, vous savez... Vous allez voir combien trois verres auxquels les lèvres ne touchent pas donnent de l'aisance et éloignent la contrainte. Vous permettez, mademoiselle, de me montrer familière avec Francis? Oui. Je l'ai connu si petit. Il venait jouer à notre filature, toujours pieds nus et les cheveux en bataille. Il était presque aussi beau qu'à présent. Vous avez toujours été indulgente pour moi. Il avait, enfant, des cheveux fins, comme de la soie. La soie dont mon mari faisait le commerce. Vous n'avez jamais éprouvé la fantaisie d'enfermer Francis dans un cocon? Cela expliquerait le côté papillon si remarquable de sa nature. Il n'y a qu'à vous regarder tous deux pour remercier le ciel de vous avoir mis en présence. Et puis, Francis, vous demandez un service? Il faut absolument que je m'absente une demi-heure. Vous consentirez bien à garder ma maison durant ce temps? Nous voulons bien, pourtant... Merci, vous êtes vraiment gentil. Je n'attendais personne, mais donnez un tour de clé pour ne pas être dérangé. Ne perdez pas de temps. Elle n'est pas bien redoutable. Après tout, c'est bien de vieillir de la sorte, sans amertume, sans tourment, comme un imagier de l'amour. La crayonne en aval de la fabrique des Mustangs. Pénible fauche des herbes. Cuicui grimpe à une branche de saule qui, en ployant, le précipite dans l'eau. C'est un jeu. L'enfant nage et s'ébat joyeusement. Cuicui, nom de Dieu! Pénible donne quelques coups de perche rapides. Cuicui reparaît à la surface de l'eau inanimée. Pénible le hisse dans son bateau et se dirige en hâte vers Saint-Laurent. Café de Mac. Pénible accoste au terre-plein. Soulevant son fils dans ses bras, il court vers Mac. Qu'a-t-il? Ah, c'est Cuicui. Pénible, allonge-le là. Attends, je vais chercher les couvertures. Mais Cuicui, parle, nom de Dieu! Pauvre petit! Un canard de Rome. Ça lui fera du bien. Que lui est-il arrivé? Je sais pas, il se baignait, je me retourne, il suffoquait dans l'eau. Je l'ai pris dans le bateau et je l'ai vite ramené. Mac desserre les dents de l'enfant et lui verse quelques gouttes de rhum dans la bouche. Alors, mon gars, alors ça va mieux? Ce serait pas une congestion, des fois? Il y a plus de 4 heures qu'il a mangé. Il est pourtant solide. C'est la première fois que ça lui arrive. Mais Franck, je me sens pas de force. Ah, en voilà qui vont nous donner un coup de main. Vous savez ce qui vient d'arriver? Oui, oui, écartez-vous un peu, laissez-moi faire. Auguste se penche sur Cuicui, lui frictionne la poitrine, lui étire les bras à plusieurs reprises. Cuicui vomit. Écarte-toi, la rose. C'est du chlore. Eh ben, Cuicui, t'as voulu nous faire peur? Où c'est que ton gaz baignait pénible? Au-dessous de la fabrique des Mustangs. Notre rivière n'avait jusqu'ici fait de mal à personne. Roulotte d'Apollon. Paysage de prairies, de saules, de platanes. Mare bordée d'ajoncs et de roseaux. Du linge sur une corde. Journée de vent léger. La roulotte est installée là depuis des années, dans la campagne de Saint-Laurent. Sur le bord de la fenêtre, une chatte se lèche. Apollon rêve dans l'herbe, tandis que Marie-Thérèse, à genoux, rince sa lessive dans le ruisseau. Marie-Thérèse, à quelle heure on mange? Oh, laisse-moi le temps de finir! T'es peu patient! Plus que 5 mouchoirs, t'en tricot et la chemise. Mouche-moi, veux-tu? J'ai les mains mouillées. Tiens. Voilà 15 ans que tu ne peux pas avoir un mouchoir pour toi toute seule. Merci, mon grand. La chatte a mangé le poisson. Et tu réclames à dîner. T'es terrible, Apollon. Tu sais, à cause de ces petits, je ne l'ai pas grondé. Il n'a déjà pas du lait de tronc, ta chatte. Oh, t'es idiot. T'es fâché? Je ne ris pas. Alors, la vie est belle? Bonjour, Lorvet. Salut, l'ancien. Hey. Apollon, dis-moi, est-ce vrai ce qu'on raconte? Que tu as levé dimanche à Mauvec 60 kilos à bras tendus, comme ça, comme une fleur? Cette grande brute est bien capable de soulever un jour la roulotte, et moi avec. Hey, c'est pas pour te déplaire, hein? Oh, je manque d'entraînement. Dis donc, combien arraches-tu de sommeil à bras tendus? Oh, ne le disputez pas. Pendant qu'il dort, il pense à moi. Ah, vous êtes gentils, tous les deux. Exactement comme les petits oiseaux qui prennent le temps comme il vient. C'est une truite pour ton dîner. Merci, l'ancien, nous avons ce qu'il nous faut. J'ai pêché ce matin. N'as-tu pas aperçu du poisson mort? Nous avons retiré 3 truites, le ventre en l'air, et des belles. Mon Dieu, cette rivière. Pas avoir le choléra comme au temps de ma jeunesse. C'est arrivé une fois, la grillonne charriait du poisson mort, que ça puait à 2 kilomètres à la ronde. Tous les chats s'étaient empoisonnés. Non, mais le héron criait fort au lever du jour. C'est pas signe que tout va bien. Je ne vois plus guère le héron. Nous devons pourtant avoir le même âge. Il s'est fait sauvage. C'est le dernier. Tout ce qu'on aime le plus disparaît peu à peu. Quand celui-ci mourra, on se sentira moins protégé. Oh, un manger de bon appétit. Bon appétit. Et vous aussi. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Ah, l'ancien, cette Marie-Thérèse, elle a les yeux aussi bleus que le bleu de la Grande Méditerranée, à 20 kilomètres des côtes. Est-ce que tu peux me détester par moments? Je te déteste d'amour. Il la saisit comme un fétu et la porte dans la roulotte. À l'intérieur de la roulotte, la table est mise. Quelques tomates et des oignons dans une assiette. Un morceau de fromage, 1 litre de vin rouge. Apollon coupe 2 tranches d'un gros pain de ménage et en tend une à Marie-Thérèse. T'auras pas assez à manger? Mais si. Marie-Thérèse va chercher dans le placard une boîte de sardines qu'elle ouvre. Apollon mange puissamment. Il prend 2 oignons qu'il croque avec des sardines. Marie-Thérèse mange à peine. T'as pas plus d'appétit qu'un écureuil? Je pourrais peut-être y aller travailler, qu'en dis-tu? Ils ont besoin de main-d'œuvre et nous d'argent. Oh, t'es folle, toi, là-bas. On se mange bonheur. Jamais. Oh, pourtant. Les foires vont bientôt recommencer, tu verras, Mounine. Oh, j'ai plus faim. Apollon fait glisser dans son assiette le reste de la boîte de sardines. Il place sous le nez de la chatte des déchets dont elle fait peu de cas. Elle n'aime pas le poisson de mer. Elle préfère les truites et les chardonnerets. Ce matin, elle a dévoré un lézard vert. Tu ne l'as pas empêché, j'ai horreur qu'elle fasse ça. C'est difficile d'aimer à la fois des chattes et les lézards, mon pauvre grand. Est-ce que ça peut se bouffer dans la nature? Quand je suis couché dans l'herbe, c'est fou ce que je vois. Il est bon, ce roquefort. Marité, entame la confiture. Mange-la sans pain. Oh, t'es gentil. Grand, ton mouchoir. Oh, il va avoir le goût de la confiture, les fourmis entreront dans la poche. Je t'en donne un autre? Non. T'es insupportable. Tu ne t'éveilles que pour grogner. Lézard. Ah, non, lâche-moi, tu me fais mal. Oh, pardonne-moi, Mounine, je voulais pas. J'aime pas te voir pleurer. Il la prend sur ses genoux et l'embrasse maladroitement. Il retire un iris qui n'a plus forme de fleur de sa chemise entrouverte. Je l'avais cueilli ce matin pour toi. C'était le plus bleu de tous. Saint-Laurent. Maison basse et jardin de l'armurier, vieillard de 80 ans. Sa barbe est blanche, tressée par endroits et retenue par des épingles de nourrice. Il est en bras de chemise. Son pantalon n'est que pièce et reprise. Il charge soigneusement un pistolet à piston. Au moment d'introduire l'amorce, il se ravise, pose le pistolet, chien rabattu, dans un trou du mur de la maison et s'adresse à Solange, grimpée dans le cerisier du jardin. Y a-t-il des coups de bec sur les cerises ? Ah oui ! Ah bah tant mieux ! Je dis tant mieux parce que je tuerai sur le soir une paire de moineaux. J'étais en train de me gronder, monsieur. J'abuse. Je ne peux pas m'arracher à votre cerisier. Voilà ce que j'ai cueilli pour vous. Mais vous n'avez pas pris le temps d'en manger. Vous êtes chasseur pour de bon ? Oh, c'est tout mon plaisir dans cette cage. Francis vient me voir, car je ne peux guère me transporter au dehors. Vous pensez qu'il va venir bientôt ? Mais puisque vous êtes là, c'est qu'il va venir. Vous êtes son parrain depuis combien de temps ? Mais depuis 27 ans. Et vous ? Vous le connaissez depuis longtemps ? Je ne sais plus. Depuis peu, mais depuis toujours. À chaque minute. Ah, Francis m'a bien parlé de vous. Cet après-midi, tu recevras la visite d'une merveilleuse demoiselle, de celle qu'on ne désire rencontrer qu'une fois dans sa vie, parce qu'après elle, il n'y en a pas d'autre. Tu l'accueilleras comme une reine. C'en est une. Ah, Francis ne m'a pas trompé. C'est tellement bienveillant chez vous. Bon, asseyez-vous sur cette chaise. Je suis mieux droit à cause de ma jambe. Asseyez-vous, je vous prie. Vous connaissez Auguste ? Non. Je n'ai pas ce plaisir encore. Ah, vous lui plairez. C'est un homme de vérité, le père de Francis. Je le voudrais. Oh, après ma chute il y a 30 ans, il m'a pris et gardé chez lui. J'étais tailleur d'arbres de mon métier. J'ai été brisé comme un Saint-Joseph en plâtre. Je suis resté 3 ans allongé, raide, auguste. C'est mieux qu'un fils pour moi. Vous demeurez seul ? Oh, je ne suis pas à plaindre. Mais regardez ces armes. Ah, ça permet aux autres de faire du bruit, de marcher dans l'herbe, de se sentir plus libre. Bonjour, parrain. Tu as chaud ? Ah, c'est bien comme tu disais, je te félicite. N'est-ce pas ? Dans mon jeune temps, à la fête de la charrette de mai, des beautés, il y en avait, mais pas d'accomplis comme elle. Du bord de l'azur des yeux jusqu'à la couronne du cœur. Je suis heureux. Et maintenant, mes enfants, si vous le permettez, je vais me poster pour tirer les moineaux dans les cerises. Vous êtes ici, chez vous. Nous en allons. Eh bien, embrassez-vous un bon coup alors avant de partir, parce que la route n'est pas des meilleures. L'herbe des talus est tout le jour brûlée par la folie furieuse des cantonniers. Bureau du directeur de la fabrique. Le directeur et l'ingénieur sont debout devant un plan fixé au mur. Quelle quantité de béton prévoyez-vous pour le mur de clôture ? Voici, d'après mes calculs. Apportez-moi un chiffre précis, après discussion avec l'entrepreneur. Faut-on finir avec les devises élastiques ? Suivant votre ordre, j'ai licencié le manœuvre affecté aux fosses. Son service étant supprimé, le conserver n'a plus de sens. C'est tout à fait mon avis, monsieur. Dorénavant, l'élimination des déchets se fera par la rivière, et la rivière seule. Les Laurentins seront peut-être mécontents, il y a d'autres métiers au monde que celui de pêcher la truite. Ce mur doit être un cheval de frise, hein ? Ne faites pas l'économie des tessons de bouteille, qu'il soit le plus rébarbatif possible. N'ayez crainte, monsieur, d'autant que ces pêcheurs, soi-disant traditionnalistes, sont de purs anarchistes. Vous êtes un enfant. Avec les choses de l'extérieur, prenez, croyez-moi, l'habitude d'estimer et d'agir sans vous passionner. Vous vous épargnerez bien des désagréments. Salle commune de la maison d'Auguste. L'été flambe. L'ombre d'une silhouette passe à plusieurs reprises dans l'entrebâillement des volets. Fantôme de cochon, j'aurais honte à ta place de porter une culotte, vieux serpent, tu te donnes mal au cœur. Elle repousse les volets. Une flaque de lumière inonde la pièce. La vieille femme se dessine dans le cadre de la fenêtre, brandissant un coq, objet de sa colère. Dans l'ombre, au fond de la salle, sur un canapé rustique, Francis et Solange. Francis a la tête sur les jambes de Solange. Deux poussins pour 15, voilà le travail de ce mendiant. Sais-tu, la première fois que tu m'as embrassée, il y avait d'autres envies que moi dans ton visage. Moi-même, j'étais distraite. Oh, pas longtemps. C'était agréable de sentir peu à peu ces choses s'en aller, se détacher de toi, et moi les remplacer. Je ne savais pas que tu faisais tellement attention. Avant de te connaître, les garçons qui me disaient leur amour, c'était comme du sable. Du sable gai, bien sûr. Je ne comprenais pas qu'on pouvait avoir du chagrin, de l'excès de bonheur. Tu as beaucoup simplifié les choses. Elles sont toutes devenues comme des désirs. Je ne sais plus lequel de nous deux est le plus impatient. J'ai toujours peur de te perdre, de perdre même un brin de toi. Auguste, qui reposait dans la pièce contiguë, s'éveille à la voix de la jeune femme. Il soulève d'un doigt sa paupière, comme si ses yeux ne pouvaient se tenir ouverts. J'ai bien envie de toi, tu sais. Pourquoi, Francis, ne m'appelles-tu jamais par mon nom? Il ne te plaît pas? C'est que c'est tellement plein entre toi et moi que je ne peux pas mettre un mot, même celui de Solange. En père honnête et compréhensif, Auguste juge qu'il lui faut se montrer. Il se lève, met ses chaussettes et ses chaussures et ouvre la porte de sa chambre. J'enlèverai bien ta robe. C'est mon père. Tu étais là? Je dormais. Bonjour, petite. Monsieur. Reste assise. Y as-tu pensé à dire à Digou que nous pêcherons cette nuit aux espélugues? L'endroit est bon. Demain, nous avons 5 kilos de truites à livrer et rien dans le vivier. Oui, c'est d'accord. Au revoir, mes enfants. Au revoir, monsieur Auguste. Merci, n'est-ce pas? Tu es bien jolie. Et ta robe ne te tient-elle pas trop chaud? Bon, mais je ferme à cause des mouches. Quelle liberté, quelle noblesse merveilleuse. Allons, viens, Biquette. Suis grand-mère que je te donne à la luzerne. Chez le forgeron de Saint-Laurent, l'enclume est exposée en plein vent devant l'atelier. Le forgeron façonne pour le drac, debout devant lui, un trident. Sur un banc, la rose. Farfelu est là aussi, les yeux intensément fixés sur le fer qui rougit. Rapproche plus les becs les uns des autres. C'est un trident que tu veux ou une fourchette? Fais ce que je te dis. Recule-toi. Comment vont tes odeurs, la rose? On ne les voit pas, elles. C'est 12 sous. Le forgeron plonge ses bras lentement, avec volupté, dans l'eau du tonneau, jusqu'au biceps. Une pièce dans la maison de Catilinaire. Solange prépare le dîner. Une fleur est piquée à son corsage. Dans la chambre voisine, Catilinaire se lave. Yvette entre, apportant des provisions à Solange. Solange, Francis est au village. Il t'a parlé? Oui, plutôt il m'a parlé de toi. Dis vite, Yvette. Il m'a dit que j'avais de la chance d'être ton amie, d'entendre tes confidences. Il est rusé, Francis. Naturellement, je n'ai rien répondu, mais je l'ai approuvé. C'est sûr qu'il t'aime. Ce n'est plus un secret. Je me sauve. Tu sais combien père est grincheux. Au revoir, ma chérie. Yvette a apporté des œufs frais. Les veux-tu en omelette ou au gratin, avec des oignons et des olives? Ah, ne me demande pas ce que je désire manger. Tu m'obliges déjà à plus penser à la surprise que j'aurais plaisir à trouver sur la table. Fais à ta guise. Bien, monsieur Catilinaire. T'es revenu à pied de Saint-Laurent? C'était beau comme tout. Les champs étaient pleins de paysans, d'oiseaux et de fleurs ensemble. Ceux qui travaillaient ne gênaient pas les autres, qui étaient simplement heureux d'être au monde. Ah, c'est pas visible à tous les yeux. Ça l'est aux yeux de ma fille. Il y a bien des choses pourtant que je n'aimerais pas voir. Par exemple, cet affreux mur que vous êtes en train de construire autour de la fabrique. Idée du patron et de l'ingénieur. Elle ne se sauvera pas au fil de l'eau, l'usine. Il était fatal qu'un jour ou l'autre, Dantonnet soit remplacé par un mur. Qui est Dantonnet? L'ouvrier affecté aux fosses à chlore. La direction prétend qu'on peut se passer de lui et vider les déchets directement dans la rivière. Est-ce régulier? Le chlore est du poison? Ouh, régulier ou non, c'est pas ça qui les arrête. Francis! Non, je viens dire bonjour à votre père. Est-ce que je ne le dérange pas? Bonjour, mon garçon. Mais c'est mon pêcheur de Saint-Laurent. J'ai pas oublié votre geste généreux. Souviens-toi, Solange, la truite que je t'avais dit avoir pêchée, ben, c'était un cadeau de ce jeune homme. Le hasard fait bien les choses, monsieur Catilinaire. Et d'apprendre aujourd'hui que vous êtes le père de Solange, je suis doublement heureux. Asseyez-vous, Francis. Ben, naturellement. Ah, tiens, Solange, offre-nous ton bocal. Comment va la pêche? Ça va. Monsieur Catilinaire, j'ai voulu sans tarder me montrer à vous. J'aurais de la peine que vous puissiez penser que j'aime seulement plaisanter et me distraire. Cela, c'est un court moment dont on sort quand on est fixé. Je pense que vous méritez l'estime qu'on vous accorde. Vous m'êtes à première vue sympathique. Je ne demande qu'à comprendre. Francis et moi, nous sommes de très grands amis. Vous avez la pêche dans le sang, Francis. La rivière, pour nous, monsieur Catilinaire, c'est un peu comme le ciel pour les dévots. Mais c'est un ciel qui accorderait le pain et l'apaisement de chaque jour au lieu de promettre la vie future. Je vous comprends. Je ne suis pas simple au point de croire que ce qui existe sera toujours tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder autour de soi pour s'apercevoir que le monde change. Et pas nécessairement dans le sens souhaité. Mais ce qui pâlit là rougit ailleurs. C'est vous dire que j'accepte le changement. On ne peut guère s'attacher à plusieurs choses à la fois, mais il faut être soi tout entier pour une ou deux de ces choses essentielles. Hors de cela, on est broyé sans espoir et notre conscience se détourne de nous. J'ai toutes les raisons de vous croire. Monsieur Catilinaire, je vous dis à bientôt. À très bientôt, n'est-ce pas? Oui, Francis. Au revoir. Alors? Il sait partir quand il faut. C'est à ces hommes-là qu'on a envie de dire de rester. La crillonne au partage des eaux. Quantité de truites empoisonnées que l'orvet et des goûts, dans le flot jusqu'aux genoux, jettent sur la berge. Sur le bord de la rivière, Célestin, Méclou, l'Ancien et la Rose, leur barque à la mare. Voilà ce qu'on pêche à cette heure, entre ces rives, du poisson empesté. Vous vous rendez compte du nombre? Le drac, qui descend en barque au fil de l'eau, va franchir le barrage. Hé! Le drac! Approche un peu! Regarde! C'est pas une misère de voir ça! Bouf! Ma parole, t'as l'air de t'en foutre! Le drac s'empare dans le fond de son bateau d'une grosse anguille et la brandit. Ça, c'est du poisson costaud! Ça vous va bien d'être enfin emmerdé? Tais-toi, drac! De quoi vous vous plaignez? Vous aurez quelques kilos de plus de poisson à vendre! Du pourri, voilà tout! File! Salégo, file! Attends! Le drac passe le barrage au milieu des pêcheurs hostiles et s'éloigne en aval. Le jardin de la maison d'Auguste. Une lessiveuse bout sur un trépied. Un vieux banc, une table. Au fond du jardin, une cabane, le WC. Auguste! Oh, oh! Alors? Grand-mère! Oh oh oh Qu'est-ce que c'est? C'est l'Orvay. Oui, Auguste. Ils sont pas rentrés. C'est important. Qu'est-ce que c'est? C'est rapport à la pêche. Je t'entends. Vous en mettez un temps. Tu verras quand tu seras vieux. Pardon. Je m'en vais, grand-mère. Tu ne me déranges pas. Ça va, vous? Eh oui. À part les yeux qui se font vieux. Et toi? Tu ne te maries donc pas? J'en trouve pas une qui me veuille. Tu sais mal t'y prendre. T'es pas comme Francis. Dites, pourquoi vous fermez pas complètement? Ainsi m'arrivait quelque chose. On peut vous voir par la porte entrouverte. La belle affaire. Je suis à moitié aveugle. Dis, tu veux pas regarder la soupe dans la marmite sans le brûler? Non, elle est comme il faut. Le feu est doux. Ah, voilà Auguste et Francis. Alors, Lorvay? C'est rapport aux truites. Ah, toi aussi. Et regarde ça. L'une crevée, l'autre comme de la bourre. Dégout en a retiré 5. Mes clous 2 et moi 7. Qu'est-ce que tu crois? Oh, je crois que ce n'est pas la maladie. Ce sont les salauds de la fabrique? Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils sont méchants pour le plaisir? Mon père avait raison de dire qu'il préférait ceux bien qui puent, qui ramassent les mégots de cigares dans les villes à ceux qui les jettent. Francis est monté voir l'ingénieur, une vraie épinoche. Ils se sont quittés froid. Je crois que l'affaire est sérieuse. Mais je vous parlerai ce soir chez Mac. Pas un mot de la réunion aux femmes. Hein. Non, Drac n'est pas dans le coup. Celui-là, il y a longtemps qu'il file de la mauvaise algue. Ce matin, pour le faire taire, l'ancien l'a menacé de sa perche. C'est un cinglé. Il n'est pas que ça. À ce soir chez Mac. Sois discret. Et Francis, creuse un trou dans le pré, qu'on enterre ses bêtes. C'est la nuit. Une charrette chargée de sacs de farine fait halte devant le café de Mac. Le roulier qui l'a conduit invite son voyageur à descendre. Hé, hey, dégourdi, réveille-toi. Tu es arrivé. Je rêvais que le bon Dieu abattait les murs de toutes les prisons. La campagne était pleine d'innocents qui demandaient leur chemin. Et moi, j'en avais 10 à renseigner, les pauvres. Et merci, paysan. Et fais ce que je te disais. Le rhume des foins, ça se guérit avec la salive de cheval. Il arrive devant la porte du café. Odile se prépare à fermer. Tu fermais sans que j'y sois, hein? Entre! Dépêche-toi! Farfelu entre, suivi d'Odile. Tous les pêcheurs de Saint-Laurent sont là, dans la salle d'hiver du café, excepté le Drac. Francis, Auguste, le pâtre, l'ancien, Méclou, Dégout et l'ouvrier congédié de la fabrique, Dantonnet, sont assis à la même table. Odile, va te coucher. C'est pas pour vous paraître extraordinaire que nous soyons rassemblés ici ce soir. Auguste, toi, parle. Après que chacun de nous a pu se rendre compte que ce n'était pas un, mais 1000 poissons qui étaient empoisonnés, il fallait avoir le cœur net de la raison de ce malheur. Il n'est pas question de choléra. Au début, quelques-uns ont pu le supposer, j'ai été de ceux-là. Mais ce n'est pas le hasard non plus. Le poisson, nous le connaissons, il ne porte pas le mal dans sa peau. C'est le mal qu'il rencontre. Ceux qui font cette besogne sont les fabricants de papier. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Cui-Cui? Ils le font exprès? Les premiers jours, peut-être pas. Mais maintenant qu'ils sont avertis, ce sont des misérables de ne pas cesser. Le papier, c'est pas du poison. C'est-il du papier à mouche qu'ils fabriquent? Va un peu dans la nuit, écoutez si les oiseaux miaulent. Francis, raconte ce que tu sais. Ben Francis a questionné l'ingénieur. Il a réclamé que ça finisse. Apprenez comment on l'a reçu. Que je vous dise d'abord que si les eaux sont basses, c'est que leur barrage en retient une grande partie. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent trafiquer avec toutes ces eaux de source? Ça, mon vieux, c'est de l'industrie. C'est du propre. L'ingénieur m'écoutait avec des oreilles d'anguille. Ils nous prennent pour des niais. C'était ni oui ni non, mais d'après lui, des visions dans notre tête. Il est bête comme un cochon, cet homme. Tu lui as pas fourré tes doigts dans les yeux? Si les riches sortaient plus souvent dehors, ils verraient mieux ce qui s'y passe. Battre, ça ne les intéresse pas. Quant au patron de la fabrique, il ne cause qu'à ceux de sa classe. L'enterre-mort est d'une classe au-dessus de lui. Tu parles à un chien, il te regarde avec ses bons yeux. Tu t'adresses à un homme, il te mord. Je suis parti. Alors, je me suis tourné du côté des eaux et forêts. Je reviens du chef-lieu. T'as raison, Francis. C'est leurs oignons, la rivière, à ses huiles de bureau. Et comment il t'a reçu? Il est fier. Bah, il s'en lève les mains. Textuel, ces paroles. De quoi vous plaignez-vous, les pêcheurs de Saint-Laurent? Il y a 400 ans qu'on vous favorise. Vous ne voudriez tout de même pas que le monde s'arrête de progresser à cause de vous? Son râtelier ne lui est pas tombé sur les genoux à ce mange-limace. Pauvre France. Que je garantis, c'est que Francis a présenté des choses comme il fallait les présenter. C'est sûr, avec son sang-froid. Après ses visites, il n'est pas sorcier de comprendre qu'on compte sur le Mistral pour nous balayer. Il n'y a qu'à leur foutre quelques coups de perche sur la tranche. Viens, nous ne sommes pas des dégonflés. Probablement. Et comme vous allez, vous autres? Celui qui dompte le lion devient l'esclave du lion. Ce qu'il faut, c'est faire du feu entre lui et toi. Mais qui vous parle du lion? C'est au serpent que nous avons affaire. Cet ami que vous voyez là était jusqu'à hier ouvrier à leur fabrique. Oui, c'est moi qui étais chargé de surveiller les fosses. Nous n'y entendons rien, nous. Le poison est mis là en quarantaine. La terre le boit lentement. En principe... C'était de cette façon trop simple et trop honnête. Lui, on l'a fichu à la porte. À l'avenir, le poison ira non plus en terre, mais dans l'eau, tout seul, sans personne pour l'empêcher. Et nous, ici, nous chercherons à nous rappeler comment était faite une truite ou comment il faut s'y prendre pour acheter un pain d'un sou. Le marché, au matin, sur la place de l'église. Les pêcheurs, reconnaissables à leur silhouette particulière, ils s'assemblent par petits groupes. Leur visage exprime l'accablement. Un couple de vanniers tresse des paniers d'ajoncs. Un troupeau de chèvres et de brebis stationne devant le porche de l'église. Le curé caresse de la main une brebis. Une chèvre le suit dans l'église, il l'enchasse. Passe un paysan avec une jument et son poulain, puis un marchand de furets. 100 de 89 fait tirer les oublis. Farfelu joue et perd. Arrête. Tu vois bien que t'as pas le pot. Dans ta boîte, il y a bien des oublis. Bon. 189, c'est pas des cracks. Et puis quoi encore? Que je les voie. Oh, laisse jouer les autres. Tu baves comme un chaudron gâteux. Ah! T'as gagné. Enveloppez-moi dans du papier de soie, bien propre. Farfelu se dirige vers la crayonne. Arrivé au bord de la rivière, il émiette lentement les oublis et regarde les poissons se précipiter. Il glisse le papier de soie dans la poche arrière de sa culotte. Le drac, dos au parapet, l'observe. Solange et Yvette, revenant du marché, passent à leur hauteur. Farfelu contemple Solange avec ravissement. Quel fessier! Entends, puceau? La rue des Roues à Saint-Laurent. Pénible! Oh! Francis! Cui-cui, dis à ton père de descendre. Il est pas là, je suis seul. Je joue au héron qui fait le miracle. Tu n'as pas assez de méchanceté pour cela. Pénible. C'est vrai? Tu viens de ramener ton bateau plein de poissons morts? La jeter sur toute la longueur n'était qu'une écaille. J'ai porté des truites à l'ancien pour qu'il les voie et te les montre. Rien n'avait autant que ce figuier peut porter de figues. Les jeunes étaient mortes et les vieilles ouvraient encore la bouche. Comme quand tu étouffes. Les salauds ont lâché leur chlore au début de la nuit. Le poisson n'a pas pu résister, les eaux sont trop basses. Il n'y aura bientôt plus une truite vivante à 4 lieues d'ici. Je suis parti de la maison. Ma femme me faisait éclater la tête. Nous avons tous confiance en toi, Francis. Dis ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord devenir dur, cesser de penser et d'agir comme des enfants, aller jusqu'au bout de notre colère. Bureau du directeur de la fabrique. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Oui. Cathy Diner, j'ai à vous parler. Nous travaillons ensemble depuis 14 ans. Hein. C'est vrai, monsieur. Non, ben, ne restez pas debout. Je vous ai donné votre chance et vous ai nommé il y a 3 ans contremaître. Alors, la distance qui vous sépare de vos anciens camarades vous a rapproché d'autant de la direction patronale. Vous avez fourni la preuve de votre attachement à notre affaire. Mais c'est tout naturel, monsieur. C'est pourquoi je vous demande de faire cesser les relations déplorables qui existent entre votre fille et ce pêcheur de Saint-Laurent. Pensée qui a dû déjà vous venir à l'esprit, d'ailleurs, n'est-ce pas? Sincèrement, monsieur, je ne vois pas en quoi cette question d'ordre privé peut vous importer. Ce jeune homme est un honnête garçon, sa famille vaut la mienne. Ainsi, vous avez envisagé d'unir votre fille à ce révolutionnaire. Mon compliment. Je n'ai pas songé si loin. Mais qu'est-ce qu'un révolté, monsieur? Quand un homme est broyé et qu'il se tait, c'est un individu normal. S'il proteste et réclame son droit, c'est un révolutionnaire. Vous confirmez mes craintes. Vous êtes en train de perdre votre nom, Cathy Diner. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai peur de mal comprendre. Qu'ai-je fait qui soit contraire à l'honneur? Votre fille se conduit légèrement. Ma fille a un cœur, monsieur, si vous avez une usine. Que savez-vous des pêcheurs de Saint-Laurent? Rien. Sinon qu'ils manifestent leur existence à l'instant où leur gagne-pain se trouve menacé. Jusque-là, pour vous, ils n'existaient pas. Non, je ne vois pas le mal qu'il y a à vous avoir demandé de ne plus empoisonner leur rivière, du moment que nous pouvons agir autrement. Vous n'avez qu'un ordre à donner, monsieur, et toute cette peine n'est plus. Je regrette, Cathy Diner. Nous sommes tous fatalement solidaires de notre affaire et de sa bonne marche. La fatalité n'était pas plutôt que nous nous fassions ennemis d'hommes inoffensifs? Au poste que nous occupons, vous et moi, ce sont des problèmes sur lesquels nous ne devons pas nous interroger. Pour ma part, ils m'ont quelquefois jadis embarrassé. Ah, hein. Vous voyez, pourquoi ne pensez-vous pas plus souvent à votre prochain, avec la ressource de votre cœur? Dites-moi... Vous êtes sérieusement atteint, Cathy Diner? Si vous preniez un petit congé... En ce cas, monsieur, bien qu'il m'en coûte, car à mon âge, on n'a plus la peau assez insouciante pour en changer, permettez-moi de vous quitter. Matin sur la colline. Apollon visite ses collets. Près d'un fourré, il se baisse et se redresse avec un lapin étranglé à la main qu'il met dans sa musette. Apollon, qui a repris sa marche, s'immobilise devant un buisson. Il lève son bâton, prêt à frapper, puis intrigué, l'incline. Il s'avance avec précaution, écarte les touffes, et aperçoit un renard, la patte prise dans un piège. La bête, toute frissonnante, le regarde anxieusement. Oh, mon pauvre! T'es mal en point. Qu'est-ce que tu braconnais par là dans les pièges des fermiers? Oh, c'est une renarde. Et pas peur. Tu lui plairais à Marie-Thérèse, elle casse si froid au cou quand il gèle. Il vide sa musette et lentement s'approche de la renarde. Soudain, il lui encapuchonne la tête, desserre les dents du piège. Dans ses bras, la bête se débat. Oh, elle est amochée. Il n'y a que la langue de ton mal pour guérir ça. Allez, file! Apollon lâche la renarde qui s'enfuit en boitillant. Il s'assied, souffle, s'éponge le front. Il mord dans un croûton de pain. Puis il tourne la tête en éveil. Il se tapit dans un fourré. L'ingénieur et le drac s'arrêtent dans un sentier en contrebas. Vous dites que c'est le Francis qui mène toute la bande. Évidemment. Ils se bourrent le crâne entre eux, mais c'est Francis qui les manœuvre. Marac, vous êtes intelligent, vous au moins. Vous pouvez venir pêcher en amont, dans la réserve de la fabrique, le patron vous y autorise. Je ne pêche pas le goujon. Tenez vos gens à l'œil. Et vous faites gaffe à votre contremaître. Je sais. Elle vous plaît, sa petite pomponnette? Il n'est pas question d'elle. Ce que je veux dire, Francis la monte. Le pernaut de votre fabrique, quand même, ça les estomaque drôlement, leurs truites. Sur mes anguilles, c'est sans influence. Vous pensez qu'il complote quelque chose? C'est probable. Je repérerai. Alors, même heure, même endroit, samedi. Pour les faveurs de votre directeur, la pêche dans sa petite réserve, je vous répète que je me les fous au... Hein? Non, mais il me prend pour une tripe. Merde alors. Oh, le salaud! Le salaud! Il se redresse, puis à grands pas, dévale la colline. Champ de chardon derrière la maison de l'ancien. Auguste et l'ancien, tous deux assis sur le bord d'un canal d'irrigation, se lavent les pieds. Et du temps de la garance, on n'avait pas de discussion. La teinture, c'était aussi du poison. Oui, ils ne se croyaient pas des seigneurs. Les fortunes d'alors s'approchaient du peuple. Tiens, souviens-toi, le père Charles de la Plâtrière et Xavier du Moulin à Farine, ceux-là acceptaient que nous dormions dans la laine. Midi. Pauvre soleil, dont ils ont fait un ouvrier. Et ne crois-tu pas, l'ancien, que les riches ont changé? Je ne sais pas. J'ai peur que les chiens enragés deviennent des chiens comme les autres. Pas plus reconnaissables. Tout est infecté comme par le cancer d'une malédiction. Il sera difficile alors de manger saintement sa soupe et de regarder le temps sur le pas de sa porte. Oh! Oh! Oh! Il se passe que le drac vous moucharde à ceux d'en haut qui tuent les truites. Qu'est-ce que tu dis? La vérité, je l'ai entendu comme je vous parle. Et venez. Il les attire tous les deux et les entraîne du côté de la rivière déserte. Le havre de l'îlot de Méclou. Roseau, maquis. La barque de Célestin aborde. Moi, j'ai manqué les loutres cette nuit. La garce a sauté le piège. Moi, j'ai mal vendu mes cocons. Ils sont bas cette année. Et mes clous, tire sur la chaîne. Cette salope navigue comme une soupière. Auguste, viens. Ah, il vient avec l'ancien. Vise. Il y a malgré la mort une montée de petites anguilles. Une truite assommée par le poison descend au fil du courant. Avec une épuisette, il ramène la truite. Ils l'examinent ensemble. Je peux plus regarder devant moi, même pas l'eau. Auguste et l'ancien, qui viennent d'accoster, les rejoignent dans l'enclos de Méclou. La truite est jetée sur la table. Elle a quelques soubresauts. Elle est plus blanche qu'en revenant. Je crois que notre conseil d'aujourd'hui ne ressemblera pas à ceux des autres fois. Oui. Il nous faut décider de la mort d'un homme. Mon Dieu! Nous avons tous une tâche, les uns loin l'orteil, les autres dans le regard. Les hommes sont par nature un peu pourris, un peu tordus. Je m'en sens guère pour tuer. Tuer, c'est pas le mot vrai, mais punir, pour prévenir le malheur. C'est le drac. Le drac, le mouchard. Il est plus bas que les quins, plus bas que ceux de la fabrique. Gâté jusqu'à la moelle. Non, c'est sûr, mais Dieu des ruisseaux. Et son mal est sans remède. Il ne nous vend pas pour de l'argent. C'est un salaud de Dieu. Et Dieu, il est pour rien. Ça existe. Ne pas douter. C'est pesé avec un scrupule. Oui. Qu'est-ce qu'il pense, ton fils? Il ne le sait pas, ce n'est pas la peine. Reculer, ce serait tout compromettre. Je te crois. J'ai tiré dans ma vie du canal de Messidor des tas de noyers. C'est vilain, comme vous savez. À tout prendre, un coup de fusil entre les deux yeux. Je n'aime pas les fusils. La preuve que ce monde est bien matériel, c'est qu'une balle peut mieux tuer qu'une douleur. Mais qui fera la chose? Nous, faut pas mêler la jeunesse à ça. Nous sommes des hommes à l'abri du remords et de la confidence. C'est juste. Faut laisser tout son possible devant elle à la jeunesse. C'est comme ça que je le comprends. Eh bien, Mettons-nous d'accord. Bon. Voici ce que je propose. C'est aujourd'hui mercredi. La maison du pâtre à l'intersection des prairies et de la colline. Crépuscule. Le pâtre pousse du geste et du bâton un vieux mouton devant lui. L'ancien, Auguste et Célestin le rejoignent. Auguste porte son filet, un épervier, sur son épaule. Tu as dîné ? Oui, dans le temps qu'il broutait. Il montre son mouton, une très vieille bête, la seule qu'il ait jamais possédée. Le pâtre a les gestes rituels du berger. Il enferme le mouton dans la bergerie et revient. On entre ? Entrez. Cette nuit, il coule ses cordes au relais des Altesses. C'est là que nous l'aurons. Pendant qu'il les filera de son bateau. Le trou d'eau est à peine distant de 3 mètres. Emporte ton épervier, pâtre. De 2 voiles de la mariée, ce ne sera peut-être pas trop. Le pâtre va chercher son filet. Oui, servez-vous. N'ayez crainte. Celui-ci est pesant. J'ai jamais tué un homme, même pas quand j'étais oise en Afrique. Ni vous non plus. Mais vrai, je dormirai clair comme un enfant quand ce sera fini. Un crapaud saute dans la pièce par la porte entrouverte, fauchant un rayon de lune. C'est son heure. Vous êtes prêts ? Allons-y. L'ancien ferme les volets et sort, suivi de Célestin et d'Auguste. Le pâtre dépose avec précaution sa grosse montre sur la table, puis ferme la porte à clé, après avoir poussé doucement du pied le crapaud hors de la pièce. Il fait nuit. Avec une mince lune qu'éclipse par instants de légers nuages, les hommes marchent, silencieux. Longue randonnée. Ils vont dans l'immense paysage nocturne, sous les hauts peupliers. Les 4 hommes longent la rivière en file indienne. Sur l'eau brille l'éclair et résonne le choc des derniers poissons qui sautent en surface. Les hommes s'arrêtent. À travers les roseaux, ils distinguent la silhouette d'un pêcheur debout dans sa barque. Auguste et ses compagnons s'approchent avec précaution, à demi courbés. Auguste, le premier, se dresse. Il prépare son épervier. L'ancien casse un rameau qui le gêne. Le drac, alerté, tend l'oreille. Drac ! Qui c'est ? Les 3 hommes se relèvent. Auguste lance le filet qui se déploie d'un geste sûr. Auguste Abondance ! Le filet atteint l'homme qui perd l'équilibre. Ah ! Son corps, emprisonné dans l'épervier, roule dans l'eau. Auguste tire sur le filet. Je lâche. Tu peux. Auguste envoie au milieu de la rivière le bout du filet qu'il tenait. Drac s'est noyé. Il n'était pas expert à l'épervier. Le chien du pâtre apparaît contre la jambe de son maître. T'étais là, toi aussi ? Alors retourne à ton mouton. Et vite ! Le chien s'éloigne, précédant les justiciers. La rivière au matin, brume légère sur l'eau. Catilinaire, pensif, est assis sur la berge. Auguste, en barque, descend le courant et se prépare à aborder. Monsieur Auguste ? Oui ? Vous ne me remettez pas ? Je vous connais, je vous ai vu. Oh, vous êtes le contremaître de la fabrique. Oui ? Ben, content de vous voir. Moi de même. Je me suis permis de vous attendre ici. Madame, là-bas, m'a dit que vous alliez arriver. La mer ne vous a pas fait asseoir ? Oui, oui, mais j'ai préféré le bord, là. Ben, c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons, mais nous sommes presque de vieilles connaissances. Il me plaît, votre fils. Et c'est comme à moi, Solange. Plus longtemps, j'avais projeté de prendre mon jour de repos à Saint-Laurent. Vous avez bien fait de vous décider. Oh, à présent, j'aurai bien quelques journées devant moi. Et votre patron vous accorde de longues permissions ? Non, je ne travaille plus à la fabrique. Je me cherche une place. Ça n'allait pas ? Non. Je suis un vieux contremaître, M. Auguste, mais je suis resté un ouvrier. Ah, je vois. En catilinaire, allons à la maison. Vous mangerez la soupe avec nous. J'ai à vous parler au sujet de ce qui se passe dans la criole. C'est pour ça que je suis venu. Voyez-vous, Monsieur Auguste ? Dimanche au village. Sur la passerelle qui franchit la crillonne, Francis va et vient, lentement, comme attendant quelqu'un. Des pêcheurs, des villageois se promènent. Cuicui accourt, couronné de plumes et couvert de vases. Pénible le poursuit. Francis, parle à mon père. Vas-y, Pénible. Laisse ! Faut que je le cogne, ce garnement. Qu'est-ce qu'il a fait ? À ton idée, se planter dans la vase jusqu'au cou, la tête couverte de plumes. Une heure de temps, cet idiot a sifflé le héron. Oh, tu vas pas le punir pour si peu. Ouais ! Mon pied dans le cul, et au lit ! Il sifflait le héron, c'est plus fort que lui. Cet oiseau est son obsession. Un coup de fusil est vite parti dans les roseaux. Allons, Pénible. Pénible retraverse la passerelle. Francis demeure où il est. Francine le croise. Tu ne passes plus jamais dans le vieux quartier. Viens boire le café ce soir. Pour le moment, je suis seule. Et la mère du drac, comment elle va ? On l'a transportée à l'hôpital. Quand on l'a tirée de son lit, les puces lui couraient derrière, tu penses ? Depuis l'accident de son fils, elle gueulait sans arrêt. On ne pouvait plus fermer l'œil, nous les voisins. Tu crois qu'il lui manque beaucoup, son fils ? Je le regrette. Il était vrai dans son espèce. Sa mort a fait un trou. Le monde détruit était inséparable de celui des anguilles. Ce n'est pas simple d'admettre cela. Qu'est-ce que je raconte ? Je sais pas. Elle a fait un malheur parce qu'on n'a pas habillé le drac du dimanche pour l'enterrer. Tu penses ? Les anguilles l'avaient bouffé à moitié. Tu viendras ce soir, Francis ? Mais non. Il s'écarte. Francine le scrute un moment, dépitée. Elle hausse les épaules et continue son chemin. Au carrefour, la diligence arrive. Francis sourit. Solange descend, suivie d'Yvette. À ce soir, peut-être. Solange découvre Francis. Les deux jeunes gens s'avancent rapidement l'un vers l'autre, se joignent, puis s'en vont à grands pas et gagnent la campagne. Comment allez-vous tous, finalement ? Nous sommes décidés à ne pas nous laisser exterminer. Nous ne pouvons compter en haut lieu sur personne. Ce que tu feras sera bien fait. Je suis avec toi, Francis, de toute mon âme. Et avec tes camarades de tout mon cœur. C'est extraordinaire comme ça me paraît normal et bien accordé, toi, et toute cette violence qu'il me faut montrer. Pourtant, plus tu es invisible aux autres, mieux tu es vu de moi. Tu sais combien j'aimais la nuit, les étoiles qui passent. Ah, mon chéri, je suis tellement sûre que je ne fais plus de vœux. Serons-nous assez nombreux et forts un jour, Solange ? Ça peut occuper toute une vie, cette contrainte absurde d'un devoir. Tu auras froid. Je sais. Je n'ai plus d'angoisse, jamais. Je sais aussi que c'est dans l'espoir que se réfugie tout le sang humilié des hommes. Oh, je déteste ces industriels. Une seule chose m'importe, c'est que tu existes. Vois-tu, j'ai tellement de difficultés à comprendre plus loin que ces eaux devant moi. C'est ce que je ne sais pas te dire qui compte. La rivière, l'exode infini des eaux. Chez l'armurier, devant son établi, en plein air, à l'ombre d'un figuier, il répare un fusil. Tes douleurs, ça se calme un peu? Oh, je peux leur parler comme je te vois. Non, t'en apportes une ferraille. Eh, ça tue encore son lièvre à 40 pas. Mais parlons de nos affaires. Vous vous êtes tous mis bien d'accord? Oui. C'est ce qu'il faut. L'important, c'est d'entraîner tout le monde. Nous avons suivi ton conseil depuis le début, tu avais vu juste. Tu sais, les saligots, ils se copient tous. C'est malheureux tout de même. Ils se veulent seuls sous le soleil. Oh, il arrive qu'un homme en quitte un autre pour un chien. Vous y allez en force? Oui, demain. Pourquoi dimanche? À cause des ouvriers, ce n'est pas leur faute à eux. Ah, c'est juste. Nous mordons au même pain. Oh, Francis a correctement monté l'affaire. Il n'a réfléchi qu'à ça. Ah, le bras. Il voit loin. Il grandira encore. Le contremaître a été parfait, si tu l'avais entendu expliquer les choses. Vous avez bien pris toutes les précautions. Mm-hmm. Le drac était seul à moucharder, tu en es sûr. Ouais. Montrez-vous fin. Ça fera du bruit. Ah, je vais te le chercher. L'armurier entre dans sa maison et rapporte un sac pesant qu'il dépose sur l'établi. Ah, tu connais les charges. Elle est sèche. Elle servait aux anciennes carrières. Auguste plonge la main dans le sac et tâte la dynamite. Quand je pense que ce remède dormait ici, chez toi... Tu avais vu les rebouteux, hein, faire la pige au médecin. Autour des armuriers, Auguste. La Montagnette, près de Saint-Laurent. Un bosquet d'oliviers au crépuscule. Des pêcheurs sont réunis. On se mettra en branle à midi, de façon à arriver là-bas vers 3 heures. Dans les terres, à cette heure-là, il n'y a pas de paysans. Dégout, tous les copains sont avertis? Oui, oui. Emportez dans chaque bateau 2 perches solides. En prévoyant ce que l'une casse, on tombe à l'eau. En vous encourageant tout au long de votre marche, vous garderez chaude votre colère. Qu'elle éclate au bon moment. Gustave n'est pas venu? Depuis qu'il lui est né une fille, il passe son temps à la regarder. La preuve en est qu'il n'a pas ensemencé son champ. C'est une fille qu'ils ont eue? C'est l'année des bouffes-cendres. Il n'y aura pas d'histoire avec les ouvriers? Francis leur a parlé? Oui, à fond. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le dimanche, la fabrique, ça ne les regarde pas. Ce n'est pas contraire à la justice que nous allons faire? Et comme la Providence, la justice. Elle se montre pas souvent. Ah oui, mais quand on l'a vue une fois, on ne l'oublie jamais. Vous verrez, tout ira. À condition que nous voulions bien tout ce que nous ferons. Dans la maison de l'armurier, la nuit. L'armurier est assis à califourchon sur une chaise. Sur la table, un plat de fruits, une grosse lampe à pétrole. Au mur, une gravure de la commune, les fusillés du Père Lachaise. Un très vieux miroir, des fusils démodés. Au plafond de poutre pend un bouquet de lavande séchée. Sur la cheminée, un livre visiblement souvent feuilleté, le catalogue de la manufacture d'armes et sicles de Saint-Étienne. Dans un coin, une machine à coudre, vieux modèle, le bâton noueux de l'armurier. Un pot d'étain d'où s'échappe de la ficelle. L'armurier coud. Il met une pièce à une chemise. Entre Francis et Dégout. Celui-ci tient à la main une cage où sommeillent 2 oiseaux, des appelants. Il la dépose sur la table. Bonsoir, parrain. Ça fait plaisir de vous voir solide. Asseyez-vous. Il y a du tabac dans la cruche. Et Vos appelants. Ah, merci. Et ils sont vigoureux, vos appelants. Nous ne voulons pas te faire coucher tard. Parlons de l'affaire de demain. Vous pouvez maintenant intervenir. Vous avez laissé à la réalité le temps de se former, vous lui avez donné le temps d'exister. L'important est d'abord que vous soyez le plus nombreux possible. Nous le serons. Que vous sachiez bien tout ce que vous allez faire, je veux dire, les plus décidés. Vous deux en tête. Francis et moi, 100 mètres devant. Mais qu'un vieux vienne après. Si ceux de la fabrique sont bruts avec lui, c'est un bon point pour vous. Tu crois ? Mais ne fais pas l'enfant. Tu ne vas pas te battre pour les vieux. Juste un peu pour toi, mais surtout pour ceux qui viendront plus tard. Qui sait ? Tu as raison. Il faut penser à ce que tu fais. Je ne voudrais pas commencer à mentir. Tes actes parleront pour toi. C'est entendu, il faut mentir le moins possible. Mais mentir n'est pas trahir. Défense d'emporter une arme. Même pas un épervier. Seulement le sac. Que le bâtiment tremble et frémisse, pas plus. Si par malheur il y a des tués, que ce soit de votre côté. Toi, Francis, regarde de tous tes yeux quelle faute tes ennemis vont commettre. Tu as compris ? Oui. C'est à ce moment que vous aurez à moitié gagné. Celui que tu bats, frappe-le sans l'injurier. Il ne se souviendrait que de tes injures et pas de tes coups. Arrivé devant la fabrique, comment se plaçons les bateaux ? L'armurier fait le geste d'encercler. Comme un soleil qui prend tout. Heures du matin, dimanche, salle commune de la maison d'Auguste. Auguste et Francis boivent le café. Nous n'avons jamais trop parlé, toi et moi, des difficultés qui vont être les nôtres. Je les vois de tous côtés à courir. Les choses ne sont pas si magistrales que les veut l'armurier, ni tellement favorables. Tu m'as habitué à ne pas te poser de questions. Je voudrais pour une fois que tu me répondes, ne cherchant pas de compromis. Je t'écoute, mon petit. Aujourd'hui, nous allons perdre, disons, notre repos, n'est-ce pas ? Pour toujours. C'est probable. Mais toujours n'a un sens qu'après nous. Un monde agonise et nous restons, nous, inexplicablement en bonne santé. C'est pourquoi, sans doute, nous sommes les premiers et les plus menacés. Toute une longue et sage fraction de notre vie, si tu préfères, touche à sa fin. Pourtant, ce coup que nous allons porter est conforme à l'idée et au sentiment que nous nous faisons de l'agencement de cette vie. Nous n'inventons rien. Nous remplissons une exigence. C'est exact. La dignité d'un homme seul, ça ne s'aperçoit pas. La dignité de 1000 hommes, ça prend une allure de combat. C'est ainsi, on ne sait pas pourquoi. J'ai conscience de tout cela. Ah. Si les choses apparaissaient aux yeux de tous ce qu'elles sont au regard de quelques-uns. Mais c'est sur cette inégalité que le monde se règle. Sans elle, il ne subsisterait probablement pas. Quand on affronte un ennemi de taille, tout demeure possible, y compris la surprise de finir par lui ressembler, s'il met trop de temps à mourir. Oui, mais à coup sûr, il meurt. Et ce qu'il abandonnera devant lui ne pourra rien contre ce que nous laisserons derrière nous, cette semence sans nom dont la vie prendra soin. Sans doute. Mais souviens-toi que dans le pire couloir de l'enfer, il y a quand même quelque chose ou quelqu'un à sauver. Ce n'est pas incompatible. La rivière au partage des eaux. Barques en désordre. Animation intense, brouillonne malgré l'autorité de Francis. Sur les rives sont groupées les familles des pêcheurs, vieillards, femmes, enfants. Certains vont pieds nus sur le barrage en ciment. Une femme veut à tout prix faire prendre un panier de provisions à son mari, qui refuse. Elle le force à accepter un melon. La barque de Francis et de Dégout est en tête. D'autres barques vont prendre leur place sur les indications de Francis. Francis se retourne et adresse un signe de la main à l'armurier, appuyé sur son bâton, droit dans son vêtement de toile, blanchi par l'usure. Il répond à Francis par un geste amical de la main. C'est le glas qui nous encourage. Francis lève le bras. Dégout appuie sur la perche. Les bateaux s'ébranlent. Derrière celui de Francis, celui du pâtre. Au passage de la dernière barque, un enfant s'approche du bord. Sa mère le tire en arrière et le gifle plus sévèrement qu'à l'accoutumée. Les bateaux remontent le courant. Du clocher de l'église, le glas et farfelu les regarde peu à peu s'éloigner. Vois comme ils ont l'air forts tous ensemble. Qu'ils lui sortent les tripes du ventre à ce manche-bonheur de malheur. Solange ! Là-bas avec l'armurier ! Ils doivent réfléchir qu'ils marchent si lentement. Le coude moiré de la rivière. Les barques, une à une, disparaissent. Dans les roseaux, un chien chasse pour son propre compte. Le café de Mac. Mac est à son comptoir. Apollon Révas assis à une table. Il n'a pas touché à sa consommation. La salle est vide. Apollon est le seul client. Mac, bois ton café, il va être froid. Dis, Mac, tu crois que c'était bien utile de faire ce qu'ils font ? Ouais, je crois. Ah. C'est pas croyable ce qu'on peut être bien après une nuit de bon sommeil. Je me demande comment tu seras quand tu auras dormi ton éternité. Je sais pas. Alors tais-toi. Ils ne m'approuvent pas, hein ? D'être resté là. Ils n'ont pas voulu de moi, c'est ça, je te jure. Je ne peux pas sentir le bruit. Je suis pas pêcheur, moi. La belle affaire, tu es leur copain ? Je ne suis pas détesté, moi. Personne ne te déteste, ici. Mac, tu crois que j'ai peur, toi ? Tu n'es pas assez imaginatif dans ta tête pour avoir peur. Ça finira jamais, t'entends, votre fourbi ? C'est ce que comprends, moi, le lézard. Les mastroqués comme toi, vous vous croyez malin, vous êtes jamais dans le coup. Mais quand ton toit sera crevé, conno, qu'il te pissera sur la tête toute la flotte de la gouttière, t'auras bonne mine avec ton tablier sur le ventre et ta bagarre à la gueule. Oh, ne t'emballe pas. On ne devrait pas venir au monde quand on veut faire de la peine à personne et qu'on est couillon comme moi. Je ferme, Apollon. Il n'y a personne aujourd'hui. Lorsqu'Apollon a disparu, Mac, rapidement, alors, rentre les chaises et les tables qui se trouvent encore dehors. Il boucle le café. Son attitude dissimule à peine sa lâcheté. Sur la Crillonne, les saints débarquent. les pêcheurs progressent d'un mouvement puissant. Deux hommes, occupés sur la rive à tailler les branches d'un grand hêtre, interrompent de haut leur travail pour les regarder passer. Apollon sort du village. Il passe devant une vieille masure, puis devant l'atelier du charron. Là, il s'arrête. Contemple deux roues posées contre le mur. L'une est à moitié dégarnie de ses rayons, des planches, une carriole privée de ses brancards. Il n'y a personne. Apollon se détourne. Sur le parapet de la crayonne, un chat mâche un lézard dont la queue séparé, remue. Apollon le regarde, les yeux vides. Apollon s'en va sur le chemin torride et désert. Les barques sur la rivière. Francis et Dégout toujours en tête. Au loin, dans les champs, un feu de buisson, la silhouette d'un paysan qu'il surveille et l'entretient. La fabrique. Les barques arrivent. Les pêcheurs commencent à se déployer en éventail. De la fenêtre de son bureau, le directeur observe la manœuvre. L'ingénieur, dehors, au pied de la fabrique, gesticule, geste d'apaisement, puis geste de colère sans contrôle. Francis, au centre de l'arc de cercle des bateaux, debout, brandit une truite. Il y en a des milliers comme celle-là qui pourrissent dans les fonds. Criminels ! Allô ? Oh, mademoiselle, donnez-moi la police du chef-lieu. Oui, tout de suite. Ils veulent vous intimider, mon cher. Philippe, on descend se faire les points ? Volontiers, Patrice. Je veux bien. Restez là. Mon cher, les sportifs tels que nous sont immunisés. Nous ne craignons pas la contagion. Voyons, je ne vous ai pas invité pour vous fourrer dans une bagarre. Allons. Cher ami, faites-nous confiance. N'ayez crainte, je reste auprès de vous. À l'extérieur, sur un tertre proche, un groupe d'ouvriers de la fabrique. Un couple de vieux paysans effeuille un mûrier. Ils s'interrompent et regardent. Ça va faire du vilain, Albert, je te dis. Tu ne les entends pas crier ? Rentrons, viens. Elle ramasse activement les feuilles et les noue dans un carré de toile. Ils s'éloignent des ouvriers. Les gars, ils n'ont pas froid aux yeux. C'est leur chef, le grand, qui fait tourner sa barque. Devant la fabrique, Francis manœuvre et aborde. Dégout saute à terre, se porte au devant de l'ingénieur. Canaille, voleur, vous irez tous en prison. Mon usine est plus forte que vous. Ces furieux sont capables de le ravager. Les invités arrivent. Francis met pied à terre. À la fenêtre, le directeur donne des signes de nervosité. En apercevant les invités s'avancer, menaçant, 7 ou 8 pêcheurs abordent à leur tour. Ils commencent à se battre. Dans le fossé aux iris, on ne distingue que des tiges qui se cassent et des bras qui luttent. Dégout se bat avec l'ingénieur et Francis avec le 3e invité. Dégout et l'ingénieur roulent à terre. Le pêcheur, le premier, se relève. L'ingénieur se redresse aussi et va pour se précipiter. Dégout, d'une poussée, le fait chanceler, mais l'ingénieur fonce et le frappe d'un coup de pied au ventre. Dégout tombe à l'eau. L'ingénieur cherche des yeux autour de lui, bondit sur une énorme pierre qu'il soulève et lâche. L'imbécile. Mademoiselle. Mademoiselle, allô, allô. Annulez, je vous prie, ma communication avec la police du chef-lieu. Et donnez-moi la préfecture. Le cabinet du préfet. D'extrême urgence, oui. Immense affolement. Les pêcheurs sautent de barque en barque pour atteindre la rive. Pénible s'élance vers l'ingénieur. Restez dans vos barques. Francis les contient, tandis que deux d'entre eux retirent de l'eau le corps de dégoût. Pénible et l'ingénieur se battent furieusement. L'ingénieur tente de fuir. Tiens, charogne ! Tiens, salope ! Tiens, fumier ! Assez, Pénible, assez ! Il arrache l'ingénieur des mains de Pénible. Terreur de l'ingénieur que Francis secoue. Francis lève la main, mais son bras retombe. Il se maîtrise. Il repousse violemment l'ingénieur qui rompt le combat. Des pêcheurs veulent se saisir de lui. Francis les retient. Qu'ils foutent le camp ! À ce moment, dans le bâtiment, Auguste et le pâtre, agenouillés, allument la mèche et s'éloignent en courant. La fabrique frémit. Du plâtre, comme une écorce, tombe des murs. Deux chauves-souris s'envolent de la toiture. Une fine poussière monte et se déploie dans l'air. Puis l'eau s'échappe en bouillonnant. L'eau que l'explosion a délivrée. L'eau à l'image de sa source. Dans la fin du jour, le retour des pêcheurs. Au loin, dans la campagne, le feu est éteint. Le paysan parti. Fumée mourante. Sur la rive, l'arbre est élagué. À terre, quelques fagots verts. Immédiatement derrière la barque de Francis vient celle du pâtre où repose Dégout. Quatre barques l'escortent. D'autres suivent. Les barques passent devant un groupe d'hommes qui enfoncent des pieux dans le flanc de la rivière. Ils s'immobilisent. L'un d'eux se découvre. Le partage des eaux. Sur la berge, une foule nombreuse guette le retour des pêcheurs. À l'écart, l'armurier et Solange. Les voilà, les voilà, les voilà. La barque de Francis s'approche de la rive. Les autres barques continuent. Solange aperçoit la barque du pâtre où le corps de Dégout est étendu. Dégout ! Dégout ! Cette terre est misérable, puisque nous le sommes demeurés. C'était son meilleur ami, n'est-ce pas ? Et il m'avait dit, ils sont vigoureux, vous appelant. Pauvre Dégout. Comment prévoir qui sera tué à la chasse? Et qu'il y aurait désormais cette sale affaire entre Dieu et moi. Francis vient d'aborder. Solange, comme invinciblement attirée, s'avance dans l'eau, tout contre la barque. Comment prévoir ? Pourquoi prévoir ? Thank you. France Culture et la Comédie Française viennent de vous faire entendre Le Soleil des Eaux de René Char. Les interprètes étaient Georges Descrières, le directeur, François Chaumette, Auguste Abondance, Bernard Dérand, le conservateur, Catherine Samy, grand-mère Abondance, Michel Aumont, Joseph Catilinaire, Michel Duchaussois, La Rose, Jacques Destoupe, Dégout, Paul Noël, Solange, Simon Haine, Le Drac, François Beaulieu, Sang de 89, Catherine Yégel, Odile, Nicolas Silberg, Apollon, Catherine Salvia, Marie-Thérèse Apollon, Dominique Rosan, L'Armurier, Gérard Giroudon, Le Pâtre, Yves Gasque, Le Narrateur, Richard Fontana, Farfelu, José Maria Flotatz, Le Passager, Roland Bertin, Le Chasseur, Marco Béard, Célestin, Jean-Paul Moulineau, Méclou, Jean-François Rémy, Pénible, Louis Arbessier, Le Forgeron, Georges Audoubert, Marc, Le Cafetier, Georges Riquier, L'Ancien, Nathalie Nerval, Madame Descartes, Marceline Collard, Yvette, Joël Demarty, L'Ingénieur, Jean-Philippe Puy-Martin, Francis Abondance, Marcel Bozonnet, Le Glas, Nathalie Bécu, Francine, Martin Provost, L'Orvet, Jean Pennec, Le Roulier, Laurent Lévy, Cui-Cui, François Boursier, Dantonnet, et Pierre-Louis Saussereau, Philippe Sazra, Christian Visine, Éric Casazian, Jean-Jacques Nervet, Les Voix. Prise de son, Robert Gachassin et Mireille Gauthier. Bruitage, Patrick Martinache. Assistante, Roxane Machayeki. Réalisation, Georges Gravier. Vous pourrez réécouter cette œuvre ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Si le battement d'ailes d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon, c'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.